Ne me parle pas de sentiments. Je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant. Derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais-le plus fort que je le fais. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tous tes atouts. Je voudrais m'en aller mais j'ai rien à fuir. J'étais dans la peau comme un hématome. Qui sait réparer les gens qui se brisent? Personne ne voit mes yeux qui s'épuisent. Car à force de croire, j'oublie que ce monde est faux. Pour ne pas mourir sur ta toile, j'ai fait mettre à tes yeux des aimants. N'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux. Identique, c'est la photocopie. On ne peut compter que sur nos doigts. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûr que tu me vois. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tous tes atomes. Je voudrais m'en aller mais j'ai rien à fuir. J'étais dans la peau comme un hématome. Qui sait réparer les gens qui se brisent? Personne ne voit mes yeux qui s'épuisent. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tous tes atomes.